eh bien, 14h. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ei, vocês sabem que no dia 9 de novembro é uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. Então tome nota, é no sábado 9 de novembro na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc com a Maria Lisboa e o baile vai ser animado pelo grupo 25 de Abril. A entrada é só de 12 euros e 10 euros para todos os sócios da Rádio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa pela primeira vez em Orléans com seus bailarinos é no dia sábado 9 de novembro na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc, uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. Il est bien 14h et passé de quelques minutes, bien voici l'émission Souvenir tous les mardis, donc entre 14h jusqu'à 17h. Et bien bienvenue à vous tous et à vous toutes si vous prenez l'écoute. Voilà donc, et bien on entame une, tout simplement une avant-dernière mois, donc nous sommes déjà au mois de novembre. Ouais, ça passe très très vite les mois, mais la musique est toujours là avec vous. Il y a beaucoup de chansons différentes, entre chansons françaises, portugaises, et aussi quelques morceaux de country et puis d'accordéon. On débute l'émission avec Tonia et le titre s'appelle Souvenir. Souvenir si charmant. Les histoires de ma grand-maman, sa voix douce et ses yeux gris, son sourire de velours est si tendre. Et si beau tout en écoutant tous les contes jolis du printemps qui refleurit, ces images restent toujours dans mon cœur. Dans un coin, au milieu des enfants, de ceux qu'elle aime bien, sa maison grise, son jardin de fleurs, j'y ai connu le grand. Bonheur, charmant les histoires de ma grand-maman. Un beau jour, elle est partie tout là-haut vers un pays de rêve. Les histoires de ma grand-maman. Elle a fermé les yeux doucement sans dire adieu. Sa tendresse reste toujours dans mon cœur. Voici donc Lucien Drill. Il allait au bal la musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs, tandis qu'on glisse à petits pas, serrant celui qu'on aime dans ses bras. Tout balondi dans un farisson, en écoutant jouer l'accordéon, c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sorcelle, et que l'on danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Chérie, sous ton étreinte, je veux te serrer plus fort, pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment, mais ces serments remplis d'amour, on sait qu'on ne les tiendra pas toujours. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sorcelle, et que l'on danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue, comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Voici donc André Claveau avec cette mélodie. J'entendrai toujours nuit et jour cette mélodie qui le premier soir me berça d'espoir, d'ivresse infinie. Tu ne disais point de ces mots empreints de mélancolie, ne fredonnant rien que la mélodie. Mais ta chère voix mettait en émoi tant de poésie, emplissait mon cœur de tant de bonheur, de douce folie, que dès ce moment j'ai compris vraiment que toute la vie, j'entendrai toujours, toujours nuit et jour, cette mélodie. Le bonheur s'égrène, ne sait-on pas, qu'en amour, les beaux jours sont courts. Le printemps ramène les frais lilas, mais voilà, toi, tu n'es plus là.

Voici donc bien Jo Dassin. C'est drôle, tu es parti. Donc le titre, ça va pas changer le monde. Tu es encore ici, puisque tout me parle de toi. Un parfum de fin, l'écho de ta voix, ton adieu. Je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer. Ça peut bien lui faire. Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus. Et la vie continue. Ça va pas changer le monde. Que tu changes de maison, continuer le monde, et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là aux quatre coins du monde. Seul avec ma solitude, quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais.

bien trois chansons différentes. Et déjà un petit bonjour à Lélise avec son titre tout simplement Un déclic. Mais avant on écoutera Céline Dion suivie de sa chanson Le déclic, et puis juste après Nel Perso. Radio Arc-en-Ciel. Thank you.

relation irréelle. Nous vivons sur notre petit nuage. Notre relation irréelle. Nous avons créé notre propre rituel, notre danse d'amour sensuel. Notre relation est réelle. Nous vivons sur notre petit nuage. Est-ce un miracle? Notre amour est surnaturel. Notre relation est réelle. Nous avons créé notre propre rituel. Notre danse d'amour sensuel. Tu ne veux pas le prendre, mais de mille manières je dis je t'aime, mais tu ne veux pas comprendre. Mais oublie ton passé, avance et arrête de pleurer. Ne fais pas payer tout ce qu'ils t'ont fait. Même si c'est compliqué, je le ferai. Galère, galère, accepte mes avances. Galère, galère, y'a qu'à toi que je pense. Galère, galère, accorde-moi cette chance de te rendre heureuse. De te rendre heureuse. Fais un peu d'effort. Je sais que tu n'y crois plus, mais tu vaux de l'or, je te le dis. Prouvons-le qu'ils ont tort, et je veux que tu sois sûr que je serai là. Oublie ton passé, avance, et arrête de pleurer. Ne fais pas payer tout ce qu'ils t'ont fait. Même si c'est compliqué, je le ferai. Toi que je pense, galère, galère. Accorde-moi cette chance de te rendre heureuse, de te rendre heureuse. Oh, chat.

الحمام جالي بالفوضى يا البنية صغيرة Sinon, maintenant, on va changer de style de musique avec du reggae. Et puis, juste après, ça sera d'autres chansons différentes. bien servi Campos. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse.

cette voix. Respirez la poussière. Vous venir à genoux. Redécouvrir ma voix. En être encore capable. Venir quelquefois un rêve insaisissable, toucher les musiciens, sourire à des visages à 4 heures du matin. Comme un insecte fou, respirez la poussière, vous venir à genoux. Seb, tout simplement, il se reconnaîtra, et puis aussi de la part de Amigo, tout simplement, et suivi de Mamie Fernand. La nuit était sombre et le brouillard épais, automate dans l'ombre de tes regrets. Décide le temps, mime l'instant d'après. Derrière un masque sombre, ton visage disparaît. Où reviens-toi? Aux frontières de tes rêves, rappelle-toi l'enfant qui voulait toucher le ciel. Reviens-toi.

bassin. Juste gagner notre pain. Moi sur les bancs de l'école. Tu sais, ce n'est pas très drôle. Je t'attends la nuit. Viennent bercer mon enfance. Tu viens chauffer ma raison. Tu es un bout de bonheur, blotti au fond de mon cœur. Je cherche toujours tes bras. Quand tout va, je dis papa. Je t'attends la nuit, le jour. J'ai froid quand j'ai peur, papa. Je t'attends quand t'es pas là. Je ferme les yeux. Avec elle, tous les cieux deviennent bleus. Son image, sa beauté embellissent mes nuits. Le soleil avec elle, j'ai envie. Dans mes nuits, elle danse sur la scène. De la voir, mon cœur s'émerveille. Elle est ma joie, celle qui fait mon émoi. Ne venez pas la prendre, elle est à moi. De toute sa splendeur, tous les mots sur ses lèvres viennent enchanteurs. Elle traverse mes rêves et je frémis d'avance d'être roi de ma reine comme à l'adolescence. Hey. Elle invente chaque nuit près de moi un monde où n'existe qu'elle et moi. Alors je sens l'amour grandir en moi, ce rêve inaccessible fait pour moi. Elle traverse mes rêves de toute sa splendeur, tous les mots sur ses lèvres viennent en chanteur. Elle traverse mes rêves et je frémis d'avance d'être roi de ma reine comme à l'adolescence. Elle traverse mes rêves, je ne peux plus la quitter. Chaque nuit sans pareil nous a réunifiés. Elle reviendra demain pour mon plus grand plaisir, car chaque nuit sans elle voudrait mourir. Car chaque nuit sans elle voudrait mourir. Donc bien, juste à l'instant, je vous ai pu entendre Sébastien Gratier, et puis donc, voici Max Sens. J'ai les clés de mes souvenirs d'enfance, là où j'ai passé mes meilleures années. C'est drôle, je revois toutes mes vacances, même ce vieux lac où j'allais pêcher. J'entends ma mère dire à mon frère, il fait beau, allez vous baigner. Je le revois jouer au soldat de fer, serrer par ses petites mains potelées. Mais la maison, elle n'a pas oublié. Excepté les cigales de cet immense jardin abandonné, une planche en bois qui traînait dans la grange, épargnée par ce vieux rabot dans l'atelier. C'est sûr, les colères de mon père m'ont fait cent fois changer. Marie sur la porte du diable, ce vieilleur toit, corne rouillée, la clé de mes souvenirs d'enfance, où la serrure a fini par céder. Qui s'y était installé, le vieux champagne de la cave à mon père, dans le salon des fleurs desséchées. Perdant le souhait de mon frère. blessé par mon passé. En France, nous sommes 16 millions à souffrir de maladies de peau, avec bien souvent un impact sur notre vie personnelle, sociale, professionnelle. L'expert, lui, il vous suit et vous soutient, pose le diagnostic, vous aide à trouver des solutions adaptées, s'informe des avancées de la recherche pour vous en faire bénéficier. Lui, c'est le dermatologue. Ma peau, c'est ma vie, mon dermato en est l'expert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site bienvivremapeau.fr. Une campagne co-signée par la Société française de dermatologie et Novartis. Michel Drucker, pour l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Chaque jour, France Alzheimer apporte partout en France des solutions adaptées pour accompagner les personnes malades d'Alzheimer et leurs proches dans leur quotidien. Aujourd'hui, plus de 3 millions de familles ont besoin d'être entourées et soutenues. Vous aussi, aidez les personnes malades et leurs proches à toujours profiter de la vie. Transmettez à France Alzheimer un legs ou une assurance vie pour lui donner les moyens financiers d'agir. FranceAlzheimer.org. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ça signification.

de tous ces temples sacrés, aux montagnes enneigées, sous un ciel aussi étoilé, viens se toi emporter. Je t'invite au bal, à ce grand carnaval, pour la première fois. Allez, danse, danse avec moi. Je t'invite au bal, à ce grand festival, au moins pour une fois. Allez, danse, danse avec moi. De tous ces châteaux de Vienne, au son des musiques bohèmes, beauté de l'Égypte sur l'île, à ce monde si fragile, la splendeur qui est moi. Alors viens danser avec moi, sous les astres illuminés, viens laisse-toi transporter. Je t'invite au bal, à ce grand carnaval, pour la première fois. Allez, danse, danse avec moi. Je t'invite au bal, à ce grand festival, au moins pour une fois. Allez, danse, danse avec moi. À ce grand carnaval, pour la première fois. Allez, danse, danse avec moi. Danse avec moi. La liberté, quand t'as les menottes au poignet. Pour une histoire de sans-papiers, faut pas rêver. La liberté, quand t'as le teint un peu bronzé, quand t'arrêtes pour te contrôler, faut pas pousser. La liberté, quand on t'interdit de fumer, sûrement bientôt de respirer, ça fait criser. La liberté, si jamais ça eût existé, ça remonte si loin que j'étais pas né, ça me fait marrer. La liberté, chacun pour soi, notre époque, on est loin de la révolution, il ne reste plus rien de sans culotte, si ce n'est plus rien dans le pantalon. L'égalité, salaire moyen d'un Français, c'est de voir ce que je vais gagner, ça fait râler. L'égalité, lorsque ta femme est sous-payée, et pour le même prix se fait harceler, ça fait jaser. L'égalité, ton fils en vacances chez Mémé, quand ses copains sont chez Disney, ça le fait envier. L'égalité, quand on s'habille chez Emmaüs, qu'on compte ses pièces pour prendre le bus, ça fait pleurer. L'égalité, chacun pour soi, notre époque, on est loin de la révolution, il ne reste plus rien des sans-culottes, si ce n'est plus rien qu'en pantalon. Fraternité, quand tu vois un pauvre gars mendier, tu baisses les yeux pour pas le regarder, ça fait gerber. Fraternité, quand tu pirates pour ne pas le payer. Dernier CD des enfoirés, c'est abusé. Fraternité, lorsqu'une transfusion sanguine sauve une vie mais que t'as peur des aiguilles, ça fait pitié. Fraternité, quand le voisin palier vient de crever, qu'on s'en rend compte les semaines après, ça fait hurler. Fraternité, chacun pour soi, notre époque, on est loin de la révolution. Il ne reste plus rien, mais sans culotte, si ce n'est plus rien dans le pantalon. Chacun pour soi, notre époque, on est loin de la révolution. Il ne reste plus rien, mais sans culotte, si ce n'est plus rien dans le pantalon. Voici donc tout simplement Delphine Patou. Le titre tout simplement s'appelle Une Mélodie. La mélodie de mon amour habille les mots des sentiments que j'ai pour toi depuis toujours, que j'ai pour toi depuis longtemps. La symphonie de mes envies, c'est à moi quand va brûler le jour, la nuit, dans la chaleur de ta fusion. Comme une envolée de violon, mon cœur décolle vers toi. Il vient te chanter la chanson de mon désir de toi. Comme une envolée de violon, mon cœur s'empare de toi. Il vient te chanter la raison. Tu es la chance de la tendresse, moi le violon de la passion. Et quand nos âmes se caressent, c'est pour jouer dans l'émotion. Une partition d'amour intense, avec des notes à l'infini, pour que nos corps dans une danse, dansent l'amour. Voici donc que Isa Privé. Donc de moi le temps. De ma folie, de toi. Donne-moi du temps pour entendre. Donne-moi du temps. Prendre le temps d'exister, prendre le temps de vibrer, prendre soin. Just a smile.

pas me chercher dans les méandres et les lacets où je me perds à volonté sur des musiques alambiquées. Non, ne venez pas me chercher. De l'autre côté du piano, il y a des flammes qui vacillent, des trésors cachés, des guenilles, des boîtes qu'on tape du pied, des enfants de troupe qui rient parce qu'on a posé les fusils et qui s'en vont en sifflotant un air que l'on croyait nouveau. Du piano, quand le soleil poudroie toujours, se font des voyages au long cours et se défont bien des amours. Un fleuve y charrie l'ennui en trémolo et en cadence pour faire de la vie une danse. Me chercher dans les méandres et les lacets où je me perds à volonté sur des musiques alambiquées. Non, ne venez pas me chercher. Laissez-moi vous tendre la main pour vous guider sur les chemins de la musique et de mes mots. Voici donc Eddie Deschamps, et juste avant c'était Magali Coimard, c'était du piano.